BPI 8, d'accord. J'ai la 4G. Arrête plus le progrès. Attends, retourne à la liste. Ouais, tant que là j'entends ton piano. Alors tu vois qu'il faut que tu peux le muter en fait. Donc t'as un petit bouton M à côté de son nom. Là, ouais voilà, tu mets M et du coup tu l'entendras plus lui. Ah ok. Même s'il joue, tu l'entendras plus, quoi. D'accord. Ok, ok. Voilà. Il va se lasser, il va partir. Il insiste, il a envie de jouer, il est chaud. Donc ça, c'est ok. Thank you.